la radio, je vous donne une petite carte après. Comment ? Je suis flamand. Oh, dommage. Vous parlez français ? Non. Vous pouvez décrire ce qu'on voit. Beschomtek Polishausen. Monsieur, bonjour. Je suis de la radio, je suis une gentille radio. Vous pouvez décrire ce qu'on voit ? Décrire quoi ? Ok, ok. Vous parlez français ? Oui. Je suis de la radio. Je fais de la radio alternative. Je peux vous donner une carte après. J'ai interviewé les gens ici. Est-ce que vous pouvez décrire ce qui se passe en ce moment ? Non. Vous pouvez pas décrire ? C'est tellement ridicule que je comprends pas ce qui se passe. Vous voulez que je vous aide à le décrire ? Les flics, ils nous attaquent. Les gens qui veulent parler ne parlent pas. Alors, je me demande qu'est-ce que je fais ici ? Ce qui se passe, c'est que là-bas, il y a eu des casseurs qui font le chambard. Oui. Et donc, ça, c'est propice à ce que la police se mette en marche avec leurs tanks. Et voilà, ils sont là et ils vont évacuer les gens, quoi. Ah oui. Comme d'habitude. Mais en marchant vers ici, dans la file, ici, on les a vus, les gars habillés tout en noir, avec des capuchons noirs et tout ça, qui nous suivent, une centaine, je crois. Et c'est eux qui font la bagarre. Hein. Oui, parce que la masse de gens est tranquille, hein. On écoute... Tout le monde est très tranquille et très paisible. Ça rigole pas là-bas, hein. Il y a des grands jets d'eau. Hein. Oui, j'ai vu. Je me demande comment on va rentrer. Comment ? Ah oui, parce que... C'est fini, parce que à 4h, il y a l'autobus qui nous attend, alors on va voir. Par là ? L'autobus par là ? Oui. Il y a moyen de contourner. Il faut, hein. Il faut faire le tour, je crois. Oui. Mais c'est dingue. On va bien voir. Et quoi, qu'est-ce que vous faites là, vous, ici ? Qu'est-ce qui fait que vous avez décidé d'être là ? Ben, je suis là pour protester, quoi. Mais paisiblement, en tout cas. Alors, Et protester contre quoi ? Contre la dictature qui s'annonce. Par moyen du Covid, du soi-disant Covid, ils nous mènent dans une dictature. Mais je crois qu'il faudra faire une solution politique. Et les protestes comme ceci, ça va, c'est nécessaire aussi. Mais c'est toujours la politique qui a gagné contre la dictature. Dans toute l'histoire. Alors, c'est d'abord le peuple qui parle, et après, c'est la politique qui peut faire quelque chose vraiment. Mais de quelle politique tu parles ? Parce que là, on vient d'entendre Francis Lalanne qui t'a entendu. Enfin, il parlait en anglais. Il avait pas. Il disait justement que le pouvoir, tout le monde dehors, il faut faire table rase, quoi, en gros. La politique, en ce moment, il faut virer tous les gens, quoi. Et toi, tu dis, il faut refaire... C'est très dur à vous comprendre maintenant. J'ai pas les oreilles qui sont tellement... Mon oreille n'est pas tellement... Okay. Je donne une carte où tu peux trouver les sons d'autres. Ça va ? Vous parlez français ? Oui, un tout petit peu. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, on voit ce qui se passe, hein, madame. Oui, mais non, mais là, c'est la radio, là. Oui, mais on ne sait pas croire nos humains. Allez, c'est pas humain. On a le droit de protester en paix. Oui. On veut être entendu. On veut être entendu. Pourquoi ils n'écoutent pas ? Ils savent que nous savons. Ça. Merci. Don't offer in sacrifice your life on a measly price. Not your parents, ça gueule, hein. Nor your children, nor a single human breathing. Don't offer Bonjour. Vous parlez français? Non, non. Si. Nederlands. Ouais. Parlez français? Vous pouvez décrire ce qui se passe là? C'est la radio, hein. Je vous donnerai une petite carte. Je fais de la radio alternative. C'est une honte. En fait, on est vraiment géré par un gouvernement. On ne sait même pas exprimer ce que c'est comme gouvernement. Et ce qui est dingue, c'est qu'on est là en paix. C'est une manifestation en paix. Et puis, il y a des casseurs là-bas. On est là en bon père de famille et on se fait canarder par la police. Ils lancent des gaz partout. On est là pour manifester, pour dire qu'on est contre ce qui se passe. Et on va encore montrer à la télé que les gens qui vont casser tout et pas les gens qui viennent pour s'exprimer. Ouais, ça conforte encore plus dans l'idée d'un gouvernement avec sa police qui empêche, quoi. Sa milice. On va dire qu'on a un gouvernement qui a une belle milice et qui ne laisse pas le peuple s'exprimer, ma foi. Je vous ai donné une petite carte. Et vous êtes là pourquoi? Moi, c'est de la. Vous retrouverez sur le site là les paroles des gens. Et quoi? Qu'est-ce que vous faites là, vous? Vous avez rien à dire? On n'a plus rien à dire. En fait, quand on voit ce qui se passe... Mais vous avez la regarder. On va être viré peut-être. Ils vont virer tous les gens. Allez-y, il y a moyen de parler, là. On est révolté de ce qui se passe dans le monde. Dans le monde? Dans le monde, parce que le Covid, c'est mondial et que personne n'a le droit de s'exprimer. Ça va un peu fort, la musique, non? Quand on s'exprime sur les réseaux sociaux, on se fait supprimer. Et quand on parle à la télé, ben on montre bien sûr que les gens qui sont vaccinés et qui pensent que la vaccination va nous sauver, alors que, comme tout le monde peut le remarquer, le vaccin, pour l'instant, il ne sert à rien parce que même les vaccinés peuvent se faire... Oui, mais non, le problème n'est pas les vaccins ou n'est pas les vaccins. Non, non, ça, je suis totalement d'accord. C'est le problème de l'expression de chacun. Ouais, c'est ça. Bon, le son est... Merci. Non, mais on a un peu trop insuffisant là. Ça, le son est hyper puissant, le concert là. En fait, à cette manifestation aussi, ils n'ont pas su disperser les gens comme ils le voulaient. J'ai l'impression que les gens ont pu rester beaucoup plus que les dernières fois. Les gens ici là maintenant? Mais partout. La dernière fois, on s'est fait disperser. Directement, en fait. Et en plus, les médias corrompus nous disent qu'il y a, je sais pas moi, 5000 personnes, alors que nous, on voit bien qu'il y a peut-être 100 000 personnes à la base. Ouais, ça, c'est un truc habituel aussi, ça. Hein. Il faut venir sur place pour se rendre compte, en fait. Exactement. Hein. Et dire aussi que c'est une manif avec l'extrême droite, machin, bazar. Ce qui me révolte un peu, c'est les médias. Ça veut dire que... quand on voit de visu ce qui se passe et quand on voit la télé, c'est pas comparable. Non, ben jamais, de toute façon. Hein. Il faut prendre le temps de rencontrer les gens, etc. Exactement. J'ai l'impression qu'ils reculent. Non, je rêve. Alors, en fait, à chaque fois, chaque manif... Tu parles des autopompes. Ils reculent, on dirait, non? Mais ils reculent peut-être pour mieux avancer par la suite ou pour nous encercler, je ne sais pas. En fait, il y a sûrement une manœuvre... étudier à l'avance. Avec l'hélicoptère là-haut, là. Oui. Bon, mais merci à vous. Hein. Continuation. Mais j'avais un truc. Mais comment vous faites pour vous informer, vous, alors? Parce que, quoi, avant le Covid, est-ce que vous saviez déjà que les médias mainstream racontaient un peu n'importe quoi? Ou bien c'est avec le Covid que vous avez vraiment pris conscience que les médias, c'était n'importe quoi? En réalité, on a peur de regarder la télé. La télé me fait peur. Mais quoi, depuis longtemps ou depuis le Covid? Ben, c'est vraiment depuis que le Covid est arrivé qu'on s'est rendu compte de la chose. Et je vais dire qu'on regarde les médias alternatifs sur Internet ou on s'informe un peu sur Internet. Et de là, ben, on voit qu'il y a deux poids, deux mesures. Voilà. Ouais, mais en même temps, il vaut mieux aller sur place. Hein. On se rend mieux compte par soi-même, au fond. Hein. Oui, c'est sûr. Bon, ben merci à vous, les gars. À Allez, bonjour, je suis un média gentil, un média alternatif. Regardez, je vais vous donner une petite carte. Ici. Ah, oh, il est parti, monsieur. Ouais, bon, c'est qu'il a envie de partir. Hein. Qu'est-ce qui se passe, en fait, ici, là, maintenant comme ça, les gens entendent plusieurs sons de cloche, et c'est pas moi, simplement, qui décrit les choses. Mais pourquoi, vous, ici? Alors, je fais une pause, parce que sinon, les gens entendent ça, et c'est chiant. Je répète tout le temps la même chose. On n'est pas allumé, mais pourquoi? Pourquoi? Oui, mais vous pouvez décrire ce qui se passe, alors Il y a... Ça castagne un peu là-bas au fond, les flics, ils gassent tout le monde et ils demandent que tout le monde s'en aille, bon, voilà. Alors, c'est un peu à chaque fois comme ça que ça se passe, non? C'est la première fois que vous venez, vous? Non, c'est pas la première que je fais, c'est chaque fois comme ça. Maintenant, c'est aux gens de décider de partir ou pas. Hein. Ouais, mais les gens, ouais, c'est ça, en fait. Vous croyez que si on bouge pas, on va gagner? Il faut se prendre du en face des gros bazars. C'est pas une question de gagner, c'est récupérer la vie qu'on avait avant, quoi. Et vivre avec le Covid, et puis c'est tout. Hein. Moi, je l'ai eu, moi, donc voilà. Et je suis toujours là. Mais moi, je parle ici, maintenant, ouais. D'accord? Je pense pas que ça va bouger. Hein. Qu'est-ce qui va bouger? Personne, je crois. Regarde, là, il lance les autopompes sur les gens. Les gens, ils peuvent pas rester comme ça. Ils vont d'office bouger. À un moment donné, ils vont bouger. Non, mais ça avance, ça recule, ça avance, ça recule tout le temps. Quand tu dis c'est pas une question de gagner, mais si, c'est une question qu'on ait le droit, qu'il y ait le droit à ce que les gens se rassemblent. Je dis, c'est retrouver la vie d'avant. Non, mais ça, on la retrouvera. Enfin, la vie d'avant. Voilà. La vie d'avant, elle n'était pas forcément. C'était mieux que maintenant. Ah ouais? Ah bah ouais. Mais concrètement, pourquoi dans votre vie? Dans votre vie à vous, c'était mieux avant? Ben avant, j'allais au foot, je pouvais dans un stade de foot, j'allais voir un match, maintenant je ne peux plus. Donc voilà. Quoi d'autre? Allez boire un verre, aller au restaurant, il faut quitter à 11h, ça ferme, c'est pas normal. On peut plus vivre, quoi, c'est ça, quoi. Donc c'est ça que je veux retrouver, nos libertés. Et pouvoir voyager comme on a envie, quoi. Pourquoi avec un passe, quoi? Ça devient débile, quoi. Enfin, pour moi, hein, voilà, non. C'est un point de vue, hein. Bah, attends, s'il y a plein de gens... T'écouteras les autres, qu'est-ce qu'ils raconteront? Ouais. Tu vois? Ouais. Vous êtes quoi, média belge ou français? Belge. Vous avez quand même un accent un petit peu français. Ouais, hein. Ouais. Ouais, ben, on est un petit peu... Oh, toi, t'as pas quelque chose à dire? Non, rien du tout. Plus jeune, hein. Bon. Merci, en tout cas. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour, bonjour. Bon, au plus, je vais m'avancer vers les tanks. Évidemment, plus ça va être chaud. Bonjour. Vous venez de là-bas? Vous pouvez décrire? Voilà, je suis un média. Attendez, c'est chiant, toujours répéter la même chose. Non, allez. Mais si vous voulez pas, mais c'est la radio, il n'y a pas d'image. C'est décrire ce qui se passe là-bas. Non, mais après, il y a d'autres personnes là-bas que vous voulez décrire. On n'est pas partis jusqu'au bout. Okay. Vous n'avez pas reçu de la flotte sur vous? Non. Vous n'êtes pas des vrais? Non, j'ai rien. Mais quoi, vous n'allez pas voir plus près? Pas français. Pas français? Mais je suis un gentil. Je suis gentil, un média gentil. De quel organe de presse? Je ne suis pas un organe de presse, je suis un média alternatif. D'accord. J'ai une carte ici. Oui, je vous fais confiance. Bah, enfin, je vois pas qu'est-ce que j'y gagnerais ou qu'est-ce que j'y perdrais, tu vois. Oh, moi, je suis pas payé là pour ce que je fais, tiens. Ouais. Je suis occupé à donner la parole à plein de gens. Oui. Et donc, tu pourras écouter ce que d'autres gens disent. Ah ben moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faudrait peut-être arrêter de faire une manifestation le dimanche et que le lundi, ben ça serait peut-être plus porteur. Parce que visiblement, ils n'en ont rien à faire. Et de toute façon, quand ils sont en train de gazer là-bas, ils gazent qui? Ceux qui sont convaincus que le gouvernement fait mauvaise piste. D'accord? Voilà. Tout simplement. Mais qu'est-ce que ça change avec le lundi? Ah ben le lundi, c'est un jour de travail, madame. Économiquement, ça les embête. Hein. Financièrement, ça les détruit. Et donc, ben, vous bloquez la ville de Paris ou vous bloquez la ville de Bruxelles. Eh bien, économiquement, ça les embêtera beaucoup. Ici, ben, les boutiques sont fermées. Donc, qui vous dérangez, finalement? Qui? Personne. Personne. Sauf peut-être parce que le curé a eu moins de paroissiens à sa messe. Monsieur Pfizer... pour le pèse. Mais je comprends pas parce que là, on est ici maintenant, il y a les autopompes qui se rapprochent. On canarde aussi avec du gaz. Ils canardent avec du gaz. Donc là, ben, vous ne savez rien faire, même si vous voulez faire front. À part avoir un masque à gaz, c'est tout ce que vous pouvez faire. Mais donc la manière dont ces manifestations se font les dimanches, en fait, on se rend compte que ça marche pas puisque c'est tout le temps la même dynamique. Ils nous prennent pour des baladeurs dominicaux. Mais comment faire pour être un peu plus stratégique là, parce que c'est dingue, hein. Non, je pense que si on veut continuer dans ce qui est pacifique, eh ben, il faut utiliser l'économique. L'économique, c'est quand? Du lundi au samedi. Et donc, il faut manifester du lundi au samedi. Mais quoi, alors autoriser? Bien sûr, autoriser. Bien sûr, autoriser. Et s'ils ne veulent pas nous autoriser, ben, on va leur demander de nous justifier pourquoi est-ce qu'ils interdisent. Pourquoi interdire? On n'est pas dans une situation de crise. On est dans une situation de crise. Il n'y a pas besoin d'interdire à tout bout de champ. Parce qu'alors, le totalitarisme, on est en plein dedans. Hein. Voilà. Voilà. Les gens sont mécontents. Voilà, c'est chaud, quoi. Il y a des... Ah ouais, ils encerclent. La police encercle vraiment tout le parc, on dirait, là. Non ? On va se retrouver complètement piégé, nassé comme on dit, ouais. C'est n'importe quoi, vraiment. Bonjour, vous allez bien ? Je vous expliquerai après, mais vous inquiétez pas, je suis un gentil média, parce que sinon, je répète tout le temps. Je fais de la radio sur Radio Campus Bruxelles. Voilà, et après, il y a ici un site où je suis occupée à donner la parole à plein de gens. Allez-y, vous pourrez écouter ce que d'autres gens ont dit. Vous pouvez décrire qu'est-ce qui se passe, là ? Moi, je n'ai pas regardé depuis le début. Qu'est-ce qui se passe ? Les flics sont venus par ici, ils ont fait toute une rangée. Et là, bah, tout le monde... Pour nous bloquer ? Oui, parce qu'en fait, ils ont été par là, ils commençaient à nasser tout le parc. Il y a tout un groupe de personnes qui ont été... Qui ont été au front. Oui, c'est ça, voilà. C'est presque la guerre, quoi. Ouais. Voilà, un petit bout de rien du tout, quoi. Parce que la masse est gentille, masse est pacifique, en fait. Si, oui. Donc, c'est ça qui prend toute la place, et c'est chaque fois la même chose. Ils sont occupés à provoquer les jeunes, et les jeunes, ben, une fois qu'ils sont gazés, ben, ils sont occupés à se rebeller, ce qui est logique. Voilà. Et ils ferment les portes avec des colsons, on a déjà eu ça. Ils ferment les portes? Oui, les portes métalliques, ils sont sur le côté, il y a plusieurs portes métalliques. À une certaine heure, ils vont les colsonner et ils vont nous prendre comme des moutons. Voilà. C'est dommage ce qui se passe. C'est dommage. On ne peut plus manifester, quoi, en fait. S'il vous plaît ? On ne peut pas manifester, on ne peut plus manifester. Non, on est dans une dictature, madame. Une dictature. C'est quoi ce bazar ? C'est du n'importe quoi. N'importe quoi. On est venu en paix, on est venu montrer notre désaccord avec ce qui se passe actuellement. On est contre le pass sanitaire. Contre la vaccination obligatoire. La personne qui veut se faire vacciner, qui se fasse plaisir, on n'a rien contre, mais qu'on nous laisse tranquille. Ça doit être un choix personnel, c'est tout. Et qu'on ne touche pas à nos enfants. Voilà. À nos enfants et à nos vieux qui sont, comme on dit, nos personnes âgées qui sont dans les homes et ainsi de suite. Voilà. On a le cas et c'est malheureux, on ne peut pas l'avoir. Ben donc vous voyez bien qu'en bougeant les dimanches, là, ça change pas, en fait. Hein. C'est toujours la même... Vous croyez qu'il suffit d'être présent dans des manifestations comme ça pour changer la donne? Mais c'est déjà un bon début. C'est déjà un bon début. Je suis d'accord avec vous. Hein. C'est un bon début parce que sinon, on va... Parce qu'il y a des gens, ils critiquent ça. Ils disent, ouais, mais quoi, qu'est-ce qu'ils croient, les gens? Il suffit d'aller dans la rue pour dire qu'on n'est pas d'accord. Non, il faut aller dans la rue. Il faut aller montrer son désaccord. Réapprendre à se parler les uns avec les autres. Exactement. Exactement. Voilà. Donc j'espère que ça va bouger dans le bon sens. Pas appeler comment ? Pas de blessés, ni d'un côté comme de l'autre. C'est... Oui, oui, mais ça, ils sont habitués à nous gazer. Ils sont habitués à nous gazer, à nous lancer des confettis par l'hélico. Et ça, c'est du poivre. On a déjà eu ça aussi. L'hélico nous jette des poivres. Ah ouais ? Du poivre, exactement. Ah, j'ai jamais... Si. Comme ça, là ? Oui, oui. Dimanche, ici ? Oui, on a déjà eu. Allez. On a déjà eu. On pensait qu'ils étaient solidaires avec nous, mais pas du tout. Vous appelez comment ? Je préfère pas donner parce que j'ai une position. Il n'y a aucun problème. On va dire chat noir. D'accord, chat noir. Merci. On dirait que les flics reculent, non ? Vous parlez français ? Je ne parle pas. Dommage. Ouf, vous parlez français ? Non. Il n'y a pas ? On dirait que les flics reculent, non ? Ils avancent pas, en tout cas. Ouais. C'est bien, non ? Ce serait trop chouette que ça change. Il y a plus de gens qui soutiennent les jeunes qui rentrent dedans aussi, donc voilà, quoi. Mais ouais, c'est ça qu'il faut faire, en fait. C'est tous y aller. Bouger, en fait. Ouais. Non, mais c'est place, il faut aller... Ah, merde, voilà. Il y a l'artillerie, là. Les autopompes. Avec leurs gros jets. Ah. J'ai vu un monsieur qui jetait ses papiers par terre. Incroyable, hein. Vous savez décrire ce qui se passe ? En fait, si on était tous avec les jeunes, ça marcherait, tu vois. Enfin, on serait... Avec les jeunes. On aurait... Bah oui, il paraît que c'est une bande de jeunes qui foutent le boxon, comme à chaque fois. Non ? Désolé, j'ai pas vraiment... Quoi, t'as... l'occasion de donner des commentaires là-dessus. Non ? Bah moi non plus, mais j'improvise. Je regarde. Et voilà, je croyais qu'on gagnait, en fait. Pas avec les autopompes. Ah, on revient, regarde, c'est trop chouette ce qui se passe. Les gens avancent. Allez, les gens. Non, contre les autopompes, il n'y a rien à faire, on dirait. C'est ça, hein. C'est ça, l'Afrique créée. Ils ont créé ça. Hein. C'est eux qui ont créé ça. Mais évidemment. Qu'est-ce qu'on peut faire contre les autopompes, hein? Rien, il faut le EMP. C'est quoi, ça? Electronic Magnetic Pulse. C'est quoi? Ça donne une pulse et ça casse toute l'électronique. Ouais, du tank. Ouais, ça, il faut un EMP, mais ça coûte. C'est pas facile pour bricoler. Et ça veut beaucoup de charge de l'électricité pour fonctionner. Mais c'est ça, on n'est pas, tu vois, on n'est pas armé, on n'a rien pour se protéger rien, en face de ça. On a que les mains et... Regarde, c'est ça, c'est juste, un... Non, c'est pas juste. Si vous regardez à Kivit. C'est quoi, Kivit? Kivit, c'est les Osblock. Où est-ce qu'ils sont, les Russes? Kivit, ils ont les armes. Ils vont contre les polices avec des milliers de gens. Ah pas ouais? Comme nous. Ouais, nous, on a rien pour se défendre. Hein. Non. C'est ça le problème. Ouais. C'est ça le problème. Merci, madame. Merci, monsieur. Ça va, les filles? Oui, ça va. J'ai un média gentil, hein, si vous voulez. Très bien. Non, non. On est flamand. Oh, allez. Mais c'est bien, hein. Vous pouvez... Mais non, j'entends que vous n'êtes pas flamande. Oui, je suis flamande. Mais je suis un média gentil. Ah, il est mouillé, on est mouillé. Hein? On est très fâchés maintenant, hein. Pourquoi? Ça suffit. Ah, pourquoi? Parce que... Qu'est-ce qu'ils font ou... je ne veux pas, hein, ce qu'ils font. On vient ici pour peace. Et oh putain. Oui, c'est putain. Alors. C'est hallucinant, on va se retaper dessus bientôt, tu vas voir. Ouais. Oh, l'horreur. Oh là. L'horreur. Alors, il y a la masse de gens qui va en sens contraire. Des flics qui sont là, quoi. Putain ! C'est hallucinant ! On fait ça pour tout le monde ! Putain de merde ! J'ai vraiment pas envie que mon matériel soit mouillé. Ouais, c'est ça, quoi. Pardon. Hey ! Ça va ? Oui, ça va, oui. Je te tiens en contact, hein. T'as vu, ça foire ? Oui, j'ai vu, c'est beau, putain, hein. Putain, ils sont déjà là ! C'est grave, hein. Quoi ? C'est grave, hein, ici. Waouh ! Mais j'ai pas eu ton SMS, hein. Non, je vais... Après. Oui, hein. Après, on se verra. C'est bien. Parce que regarde. Oh, putain. Et voilà, ils sont là avec leurs autopompes. Et les gens, on sait rien faire contre ces... Ça va ? On sait rien faire contre ça. Ouais, ils sont nombreux. Hein, non, mais surtout, ils ont les appareils, tu vois. C'est hallucinant. Ah ouais, et là ils savent plus avancer normalement, hein. Ah, galère. Ah, puis on s'est même pas passé par là. Ils vont venir jusqu'ici, je crois. Pardon. Est-ce qu'ils vont venir jusqu'ici ? Bien sûr qu'ils vont venir jusqu'ici. Arrêtez la dictature ! Il y a des marches. Normalement, ils savent pas venir jusqu'ici. Ils arrivent, là, non, ils gazent. Oh non, non. Voilà. Ils vont jouer dans comme dans quoi t'as dit ? Comme dans Titanic. Jusqu'à ce que le navire sombre. Bon ben voilà. Bah, l'eau arrive. C'est toujours eux qui gagnent, hein. C'est toujours eux qui gagnent avec leur matos. Hein. On fuit ! On s'échappe ! Pardon, pardon. Pardon. Pardon, pardon, pardon. On s'embrasse. Ah, je savais pas que t'avais... Allez, hop. Virez. Est-ce qu'ils vont venir jusqu'ici ? Ah oui, allez. Incroyable. Ça va ? Les flics sont là et les gaz aussi, hein, bougez. Hein. J'ai pas peur. Ça va et vous ? Ouais, vous pouvez expliquer ce qui se passe là ? Alors il y a mon frère qui va expliquer ce qui se passe. Non mais c'est pour un chouette média, je vous donnerai la carte après. C'est la France, c'est la Belgique. C'est la Belgique, mais en même temps via le où ça ? C'est la Belgique. Mais en même temps, aujourd'hui, via Internet, c'est dans le monde entier. Hein. Qu'est-ce qui se passe ? On fouille ? Vous fouillez ? Non, moi je ne fouille pas. Mais en fait... Les gaz ? Ouais, on en a eu un peu, des gaz, oui. Mais il n'y a pas de violence, il n'y a rien du tout. C'est comme d'habitude le même scénario, la police, tralala, tralala. Alors que la masse est épaisse, épise. Ben ouais, regardez, c'est des gens en famille et tout ça, donc il n'y a vraiment aucun problème. C'est un scénario qui est, comment dire, de coutume aujourd'hui. Ça fait partie des mœurs. Et les grands médias vont commencer à dire, ben voilà, il y a des gens d'extrême droite, d'extrême gauche. C'est des sales gens, bien sûr, ils vont les salir. Ben, vous connaissez un peu le scénario. Donc. C'est pour ça que c'est chouette aussi de donner la parole aux gens, pas simplement des images, vous voyez. Oui, c'est chouette d'entendre les gens parler, dire ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent, et on se rend compte que c'est pas... Il n'y a pas... Moi, j'ai pas encore eu des fachos. Ça fait 5000 ans que ça dure. Cette histoire. Laquelle ? On doit sortir de cette matrice. Ça fait 5000 ans que ça dure. On nous fait croire que c'est à cause du Covid. Mais ça fait depuis 5000 ans qu'on nous berne dans un monde où on ne veut pas qu'on soit libre. Vous voyez ? Ouais, mais ça fait déjà longtemps. Hein. Mais pour être plus près, même, en fait. Mais peut-être je ne pas remonter trop loin. Il faut remonter, par exemple, aller à la période moderne. En fait, les élites de l'époque ont choisi consciemment, ils ont choisi les républiques, en fait. Vous voyez, quand les monarchies sont tombées, je ne suis pas du tout royaliste, hein, mais en fait, quand ces tyrannies sont tombées, ben c'était une autre forme de tyrannie qui s'est mise sur pied. En faisant croire le contraire. Voilà, alors, c'est ça qui est pervers. C'est pour ça que, donc on a vraiment la République des États-Unis qui a été créée avec la guerre d'indépendance, mais c'était des gros bourgeois commerciaux, hein, des gros commerciants qui ont obtenu l'indépendance avec la force du peuple à l'époque. Et bien sûr, ils ont trompé le peuple en une république. D'ailleurs, ils disaient nous sommes la nouvelle Rome. Et c'est pour ça qu'ils ont un Capitole, ils ont un Sénat, ils ont un aigle. Ces gens se prenaient vraiment pour la République de Rome, quoi, la nouvelle République de Rome. Et ils ne parlaient jamais de démocratie. Pourtant, nos cahiers d'histoire nous enseignent que ces gens sont les fondateurs des démocraties modernes. Pas du tout. Ils ne parlaient jamais de démocratie moderne. Et quand ils en parlaient d'une manière très péjorative, du genre, en citant rien que, par exemple, John Adams, il disait le système démocratique est un système chaotique, c'est la tyrannie des pauvres. C'est la tyrannie des pauvres, c'est un système qui est, comment dire, athée, immoral, irrationnel. Donc voilà, c'était très péjoratif. Donc consciemment, ils savaient très bien qu'ils ne voulaient pas de démocratie. Et alors, c'est en 1830 que Andrew Jackson, le sixième président des États-Unis, lui fait un coup de bluff. Il perd la sixième candidature. La sixième présidentielle, il la perd. Il se représente à la septième, et là, il se présente comme démocrate, qui était une insulte à l'époque. C'est comme si on dirait populiste aujourd'hui. Il se présente comme démocrate, il gagne les élections. Et sur deux décennies, ça a traversé l'Atlantique, ça a fait la Révolution française après, sur deux décennies, tout le monde se réclamait d'être démocrate. Même les royalistes, même le clergé était démocrate. Or que c'était 20 ans avant, c'était une insulte. Les politiciens, les élites de l'époque se traitaient de sales démocrates. C'était une insulte politique. Vous voyez, il y a eu... Alors, Andrew Jackson, il a gagné, mais il n'a rien changé. Il n'a pas mis une agora où le peuple est souverain et décide de ses propres lois. Il n'a rien changé. Il n'a pas démis la présidence. Il n'a pas démis le Sénat romain. Il n'a rien fait tout ça. Il a juste changé de nom. Et là, maintenant, on fait encore des guerres au nom de la démocratie, qui ne sont en fait que des systèmes de gouvernement par représentation. Vous voyez ? Oui, et surtout, un leurre dans le langage, hein, oui, on utilise les mots pour leur faire dire leur... Vous voyez ce que je veux dire ? Ça n'a plus de sens. Mais là, ici, qu'est-ce que vous faites, vous ? On est artiste. Ah, ici, aujourd'hui ? Oui, aujourd'hui, ici, comment vous vivez la chose ? C'est genre, voilà, c'est un peu l'habitude. Les dimanches, quand les gens... viennent manifester contre le pass, contre les politiques menées. Contre le système, le faux système démocratique. Nous, on est pour un système de, comment dire, vous savez, en Belgique, il y a 1 400 000 personnes qui n'ont pas voté. C'est obligatoire en Belgique. Ils n'ont pas voté, 1 400 000. Vous vous rendez compte ? C'est pas sur 11 millions, hein. C'est sur 4 millions et demi. Le corps électoral, il n'est pas si grand que ça, hein. 1 400 000 qui n'ont pas voté. C'est la plus grande famille politique de Belgique. Ces gens ont normalement droit à la parole. Les lois ne sont pas faites. J'ai pas compris là. 1 400 000 de Belges n'ont pas été votés. Les dernières communales et les dernières européennes. Et comment vous savez ça ? Mais par le Sénat. Donc c'est quelque chose qui m'intéresse. Pendant le confinement, au mois d'avril, mois de mai, au mois de juin, pendant le confinement, au Sénat, on ne parlait que comment améliorer notre démocratie. Ben oui, ils ont 1 400 000 personnes qui ne vont pas voter. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous voulez dire ça ? Qu'il y a 1 million ? Ils ne sont pas légitimes. Qui ? Les 1 400 000 ou bien les sénateurs ? Comment dire ? Le Parlement et les partis politiques qui sont au gouvernement ne sont pas légitimes. Oui, parce qu'il y a 1 400 000 qui ne se bougent pas les fesses et qui n'y croient plus, qui s'en foutent. C'est ça que tu veux dire ? C'est pour ça que je dis que c'est la plus grande communauté politique. Je ne parle pas de partis. Parce qu'il faut abolir les partis. Ils ne sont pas la solution. Ils sont le problème. Ces gens-là, leur intérêt premier, c'est de se faire réélire, quoi. Et que leur parti soit dans la majorité. C'est le seul truc. Ils ont un programme à respecter, madame. Un seul programme. Plus d'argent pour les actionnaires, moins de droits pour les travailleurs et plus de paradis fiscaux. Une fois qu'ils respectent ce programme-là, ils peuvent parler du voile, contre le voile, pour les migrants. Les vacciner, pas les vacciner. Ça, c'est la mode en ce moment. Ouais. On parle beaucoup du rhume à la mode. Hein. Je même oui, voilà. Je l'appelle plus. Moi, j'écoute mon médecin. Mon médecin, il m'a soigné du Covid en juillet. Le médecin, voilà. Le médecin m'a comment dire, soigné du Covid en juillet. Ouais, ouais. Oh, ils sont sympas, ils t'attendent depuis tantôt. Je vais y aller. Donc, mon médecin m'a soigné. Au mois de juillet, mon épouse et moi-même, il nous a soignés avec du zinc, de la vitamine D, et on s'en est sortis. Mon épouse est en surpoids, elle est asthmatique. Tout s'est passé calmement, et mon médecin me dit, monsieur, pas d'injection expérimentale, et le masque le moins possible. Ah ouais, carrément. Et s'il faut, enlever cette histoire-là, quoi. Donc ça, c'est mon médecin. Et moi, j'écoute mon médecin. Vous comprenez? Celui qui m'a soigné du Covid. Par contre, j'ai un ami plus jeune que moi. Il était obèse, il était diabétique, il était cardiaque. On l'a remballé à la maison avec du Tafalgan. C'est milliers de gens comme ça. Ils l'ont remballé à la maison avec du Tafalgan. Il est mort à la maison. Il a moins de chance que moi. Mais c'est le genre de médecin qui vous dit ce que vous devez vous faire injecter. Moi, je les appelle les médecins Tafalgan ou Doliprane, vous voyez, ouais. Les médecins Doliprane, ce sont aussi les médecins injection, c'est les mêmes. Ouais. Vous comprenez, ouais. Ces gens-là, il faudra qu'ils rendent des comptes un jour. Il faut qu'ils rendent des comptes. Je n'oublierai jamais mon ami qui est parti avec du Tafalgan. C'était un ouais, monsieur... Qu'on a remballé chez lui. Il est mort chez lui. Ça doit être révoltant, celui qui a vécu ça dans moi, quelqu'un de proche. Quoi. Mais oui, et moi j'ai été soigné par un médecin... Qui m'a traité contre le Covid avec des produits très naturels. J'ai même pas eu la chloroquine. J'ai même pas eu de l'ivermectine. Du zinc, de la vitamine D et tous les sels minéraux qu'il faut. Il nous a soignés à tous les deux, vous voyez. Et il me dit pas d'injection et pas de masque, le moins possible, s'il vous plaît. Et bien voilà, donc vous voyez, je pense qu'on peut conclure avec ça. C'est pas du blabla, ça, vous voyez non. Ce que je veux dire. Mais j'avais juste encore une petite dernière, parce que vous êtes là, avec... Ok, le système, il est pas bon, mais alors, on met quoi d'autre? Comment on fait, alors? Demain, on arrive à gagner, à faire écrouler le bazar. Mais dans tous les pays, en fait... Attends, je regarde s'il n'y a pas des flics qui encerclent par là pour qu'on soit empêché de sortir, quoi. Parce qu'il y a beaucoup d'autocars. Alors, ils nassent, mais là, ils nassent pas, en fait, hein. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans tous les anti, moi, je les appelle les anticonstitutions. Parce que ce sont vraiment des vous vous rendez compte, depuis 200 ans, là, les premiers, là. Hein, donc, ces bourgeois marchands. Vous rendez compte, ils se sont servis quand ils ont écrit les lois. Hein. Ils ont écrit dans les constitutions leur pouvoir. Bah, évidemment. Et donc, les mais vous proposez quoi, vous, alors? Mais justement, que les gens prennent conscience que dans toutes les constitutions, il y a quand même des articles de loi. En France, c'est un tel. En Belgique, ce sera un autre. Ils ont tous des articles de loi où il y a moyen de mettre des référendums, vous voyez. Et il faut réclamer une assemblée constituante. Ici, ça s'est fait sporadiquement, il y a quelques années. C'est un peu comme les gilets jaunes, demander que le pouvoir soit... C'est les citoyens. Donc, c'est pas, c'est eux qui doivent être nos serviteurs et pas le contraire. C'est nous qu'on doit tout savoir sur eux. Et pas eux qui doivent tout savoir sur nous, vous comprenez? Je crois que là, on est arrivé à un moment où les gens en ont... C'est ça qui se passe aussi ici, c'est que les gens en ont marre quoi. Oui. Mais le pass sanitaire, le pass vaccinal, ce ne sont que des conséquences. Le capitalisme, c'est une conséquence. La cause des causes, ce sont nos constitutions. Il faut abolir ça. Il faut que les gens, reprennent le vote. Alors ça existe, hein. Il y a eu des expériences un peu partout dans le monde. En Belgique, il y en a eu une, ça s'appelait le G1000. D'ailleurs, il y a le groupe écolo ici en Belgique qui dit, tiens, pourquoi on ne ferait pas un G1000 pour le pass vanille. Un G1000? Oui, c'est-à-dire qu'il y avait 1000 personnes qui ont été réunies dans une salle, dans les tours et cafés, c'est quoi, tours et café ou je sais plus. Tour et taxi. Tour et taxi, pardon. Et il y a eu, pas 1000, mais il y avait 700 personnes qui sortaient vraiment du peuple, hein, c'est-à-dire il y avait tout, monsieur tout le monde et madame tout le monde, là, hein, donc il y avait toutes sortes de personnes. Et le résultat a été incroyable. Parce que quand les gens, s'ils doivent par exemple faire un référendum, une assemblée, un G1000 pour le vax, pour le pass par exemple, eh bien vous allez voir, les gens, ils vont réclamer tous les sons de cloche. Et pas un seul, pas un doxa. Et là, les gens, ils vont prendre les bonnes décisions, comme ils l'ont toujours fait. Les gens, tu parles des gens au pouvoir, là? Les gens en règle générale. Le peuple, toujours. Hein. Donc, ce n'était pas des politiciens qui étaient dans le G1000. Il n'y avait pas de politiciens. C'était juste... Ils n'intervenaient pas, eux. Non, ils n'avaient rien à voir. C'était un truc qui a été fait. Et d'ailleurs, il y a un livre, et c'est David Van Reybroek. C'est un écrivain, Van Reybroek. Il a écrit Congo, d'ailleurs, le livre Congo, mais... Lui, il avait fait cette expérience qui a été un succès, quoi. Les parlements ne sont plus représentés. Parce qu'ils disent, nous sommes la représentation du peuple. Mais ce n'est pas vrai. Vous n'allez pas voir de coiffeur, vous n'allez pas voir... Et alors, quand vous parlez de ça, ils sont impitoyables. Hein. Là, ils vous montrent leur vrai visage. Ils sont radicaux. Hein. C'est vraiment des radicaux, ces gens-là. Mais ils se cachent dans un discours... Pas comme le mien. Le mien, il est un peu passionné. Eux, ils sont rationnels, ils sont modérés. Vous savez, quand un comptable, il doit faire les comptes d'une entreprise. C'est pas son argent. Sa main ne tremble pas en alignant les pertes et tout ça. Quand c'est son propre compte à lui, sa main va trembler. Mais eux, c'est la même chose. Quand ils discutent des problèmes des gens, leur voix ne tremble pas. C'est pas eux qui sont concernés, vous comprenez? Et il faut que les gens sortent du bac à sable. C'est ça le mot. Parce que croire... Là, tu considères qu'on est dans un bac à sable? Non. Ici, ce sont les gens qui sont sortis du bac à sable. Ouais, mais on est quand même un peu... Je titille un peu parce qu'on est complètement largué. C'est bien de titiller. Hein, on est dans un... Moi, j'ai l'impression qu'on est dans le bac à sable. On joue un peu. Regarde, les gens, ils sont on n'a pas de tactique. Mais ils ont raison chaque de nous fois... dire ça. Ils ont raison de nous dire ça. Pourquoi? Parce qu'on se comporte comme des enfants, on se contente. On n'est pas citoyen. Il n'y a pas de citoyen en Occident. Il y a des électeurs. Alors, le mot concitoyen, c'est beau, moi, je trouve. Concitoyen. Mais con-électeur, ça sonne moins bien. On est des électeurs. Ils font une grand-messe, un faux suffrage. C'est un faux suffrage, puisqu'il n'y a pas d'accès aux simples citoyens d'avoir une démarche... égalitaire avec les grandes puissances financières qui vont, eux, pousser leur candidat parce qu'ils veulent imposer leur programme à eux. Nous, on n'a pas de représentants, vous comprenez? Mais je crois que, ouais, moi, j'adhère à ce que tu dis, ça parle, évidemment, tout ça. Après, c'est l'alternative. Qu'est-ce qu'on met, nous? Qu'est-ce qu'il y a devant nous pour... Mais voilà, ça, c'est un début. Parce que moi, je parlais avec des gens qui disent, ouais, mais vous êtes là les dimanches, qu'est-ce que... Oui, mais on a rien dit. merci pour la patience. J'ai donné une petite carte. Hein. Okay, allez, je vous laisse. Merci. Merci beaucoup. Oh! Salut madame. Comment on va? Salut, putain, c'est toujours la même chose. T'es un gars des gilets jaunes, toi? Ben oui, bien sûr. Le pur hasard, tout est au hasard. Hein. Moi, mon micro ou feeling, quoi. Qu'est-ce qui se passe là encore? Bah écoute, là c'est l'heure de la pause pour certains, là, comme tu peux le voir. On a un peu bataillé là avec nos amis en bleu. Ça a avancé, ça a reculé, on nous a bien gazé, on a bien pleuré, on a bien craché nos poumons. Et bah, finalement on s'est fait reculer là jusque sous le parvis, sur le parvis, sous les arcades. Et bah, là on nous fout la paix. Bon, c'est historique hein, ce qu'on a vécu aujourd'hui, il faut bien analyser le truc là. Le Black Bloc est en masse, beaucoup de gens en noir, très très bien. Ils ont fait le taf qu'ils savent faire, c'est pour ça qu'ils sont là. Et pour une fois, c'est historique, les gens, les citoyens qui ne se considèrent pas comme Black Bloc, les Gilets jaunes par exemple, sont restés. D'habitude, ce qui se passe, c'est que le Bloc, quand il avance vers les flics et que ça commence à bouger, à gazer, machin, les gens derrière, ils prennent peur. Ils se bouffent des gaz, ils n'aiment pas ça, etc. Et donc, ils repartent dans l'autre sens, ils rentrent à la maison et tout. Aujourd'hui, il y a un truc phénoménal qui s'est passé. Les gens sont restés. Mais Mais quand tu parles des gens, c'est les gens, c'est monsieur, madame, citoyens. Tout le monde. Voilà, c'est ça, les citoyens, monsieur, madame, tout le monde, des gens âgés, parfois des gens très âgés. C'est ça que j'ai vu, c'était fort, hein. C'est incroyable. Et c'est pas une fois, c'est pas juste on s'est fait gazer une fois et on est revenu. Non, non, c'était 7, 8, 9, 10 fois, on s'est fait gazer, on a reculé, on a respiré, on a repris notre respiration et on est retourné. Et le bloc était là, et ils ont fait le taf. Avec vous. Génial, c'est génial. Bon, là, nos amis policiers, ils ont un petit peu cherché la tactique. Ils ont trouvé de quoi nous faire reculer jusqu'ici et maintenant on observe. Alors, je vois qu'on nous laisse un petit goulot d'étranglement là de l'autre côté, du côté Mérode. Bah ouais, mais c'est toujours comme ça que ça se passe, hein. Et bah, je verrai quand je passerai par là s'ils font des contrôles, des fouilles ou je sais pas quoi. Bon, j'ai pas l'impression, mais bon, on nous laisse une porte de sortie au moins, c'est déjà ça. Et ça te fait pas chier de voir qu'au fond, les dimanches comme ça, lors de ces manifestations, c'est toujours la même chose qui se passe. Il y a du grabuge là-bas et hop, tout le monde doit déguerpir, quoi. Ça t'emmerde pas un peu tout ça? Ce qui m'emmerde, c'est pas ça, parce que le mouvement est en train de monter crescendo. Le peuple est là, le peuple gronde. On sent que même dans la détermination des gens, du peuple, des simples citoyens, pas du bloc, pas des gilets jaunes, etc., la colère est en train de monter. Ils se laissent plus faire. Ils reculent, ils réavancent, ils reculent, ils réavancent. Mais ce qui m'emmerde, par contre, et ça c'est important de le noter, c'est les discours qu'on a entendus sur cette saloperie de podium là. N'y allez pas, ne faites pas ça, nous sommes les bons, le pacifisme, il n'y a que ça. Eux là, j'ai entendu ces phrases hein, en anglais. Eux là, ce sont les mauvais, ne faites pas comme eux. Mais c'est qui eux? Eux, quand ils disent eux, ils nous montrent du doigt, ils montrent les affrontements avec la police. Donc ça veut dire le bloc, mais ça veut aussi dire des citoyens. Mais merde, mais je vous crache à la gueule les gars, vous avez rien compris. Je dis pas qu'on ne peut pas gagner sans affrontement, sans couler, ben je préférerais aussi. Mais il faut bien se rendre compte que la manifestation pacifique est devenue inopérante. On nous dit manifester, on est là, je sais pas combien, 200 000, 500 000, peut-être même 1 million comme depuis, annonce. Depuis combien de dimanches maintenant? Là, c'est l'apothéose. Là, il y a beaucoup de gens. Là. C'est le plus gros. Je sais pas, ça doit être le 6e, 7e dimanche. Quelque chose comme ça, ouais. J'ai pas compté, je m'en fous en fait du compte. J'ai pas besoin de savoir combien de dimanches on a fait. Mais c'est pour dire que c'est pas une fois comme ça. Non, c'est de la récurrence, là. C'est devenu de la récurrence. C'est important. Mais donc, je suis pas pour l'affrontement. Mais on est bien d'accord que la manifestation pacifique pure et dure, le pouvoir ne l'écoute plus. Il était un temps, il y a 30, 40, 50 ans, où les manifestations comme ça qui rassemblaient des gens, ça faisait réfléchir le pouvoir et revenait sur leur position. Ils disaient « Ah tiens, les gens sont dans la rue, tiens, qu'est-ce qu'il faudrait faire avec ça ?» Mais là, on nous dit « Bah manifestez, manifestez votre colère, faites votre truc, c'est un exutoire, on y va, on se bat avec la police, machin. » Et puis le lundi, dans les journaux ou dans les hémicycles, « Oui, bon, les gens ont un peu manifesté. Bon, déroulons maintenant le programme qui était de toute façon. » Donc, ils tiennent plus compte de ça. Donc, les enfoirés, là, sur le podium, qui nous disent « Avec le pacifisme, on vaincra. » Ben, moi, mon gars, je suis pas sûr. Regarde les 30 ou 40 dernières années d'histoire, tu verras. Je suis d'accord avec toi, mais alors tu proposes quoi? Comment on fait pour s'organiser? Comment on fait pour... Parce que c'est... Comment, voilà... C'est... Franchement, est-ce que tu crois qu'on a véritablement besoin d'organisation? Là, ce que j'ai vu aujourd'hui... Quand je dis s'organiser, tu crois qu'il... Et quoi? On aurait gagné là, maintenant, on aurait mis les flics... Enfin... Attends, faut pas se leurrer. L'espèce de théâtre d'affrontement qu'on vit là avec les flics, c'est assez symbolique, hein. Imaginons, les flics s'écartent, on passe, une fois qu'on est sur le rond-point Schumann, on fait quoi? Un bâtiment, on le détruit, machin, on casse des vies, ok, la vitre cassée, elle a changé quoi? On a plus de démocratie avec une vitre? En fait, non. On rentre dans l'hémicycle, on campe dedans, on passe la nuit, c'est demain matin qu'ils vont venir avec le SWAT et le RAID et le GIGN. Donc voilà, comment est-ce que si tu planches dessus, évidemment, mais comment? Quand je dis s'organiser, c'est comment? Les deux. Enfin, on est tout nu face à... Les deux sont en train de se faire, en parallèle. La partie rhétorique, la partie discussion, débat, comment on organise nos sociétés, elle est en train de se faire. Dans des assemblées citoyennes, dans des assemblées constituantes, il y a des gens qui réfléchissent. Quel est notre avenir? Comment est-ce qu'on doit organiser nos sociétés? Comment est-ce qu'on doit gérer tout ce qui est taxes, monnaie, ce genre de choses? Tout ça est en train de se faire à l'échelle citoyenne. Personne n'a encore défini... Des décisions pures et dures qu'il faudrait appliquer parce qu'il faudrait demander son avis à tout le monde en fait. Mais effectivement, le jour où les portes d'un des palais, parce qu'il y en a beaucoup à Bruxelles, les portes d'un des palais tombent et où les gens investissent cet endroit, il faudra effectivement y rester et il faudra effectivement dérouler à ce moment-là ce qui a été préparé des mois, des années à l'avance dans les coulisses. Il faut que toutes les personnes qui ont déjà préparé ce terrain viennent et disent « Bon voilà, nous, un petit groupe, on a fait ceci, cela, on a pensé que… Tiens, qu'est-ce que vous en pensez ?» Et on déroule à ce moment-là la démocratie directe. En fait, c'est comme si… Il y a plein de gens dans leur qui luttent à leur manière, dans leur manière. Non. Bah moi, je suis pas un black bloc. Le hasard fait aujourd'hui que je suis habillé en noir, mais je suis pas du tout un black bloc. Mais oui, chacun a sa tâche dans le truc. Et note d'ailleurs, Mais ceux quand même qui sont sur le podium et qui disent, ils sont pas bien ceux-là. C'est ça que tu disais, ou bien non, ça, c'est le pacifisme. Là, t'es pas trop d'accord avec leur discours, quoi. T'arrives pas quand même à entendre ça. Non, là, tu me tends une perche et il va falloir qu'on en parle pendant quelques heures. Bon, t'as une table et quatre chaises ici, parce que... Non, mais tu vois, sérieusement, ce qui se passe sur le podium, là, je le sais. Je vais pas dire comment, quoi, pourquoi, etc., mais je le sais. Tout ça est diligenté. Il y a des forces très hautement placées, très bien financées, etc., qui sont derrière ces coulisses-là. Ça a été entendu. Ce sont des mots qui sont sortis de la bouche d'une des personnes de l'organisation qui disent voilà, j'ai été mandaté par des personnes puissantes, etc. On m'a annoncé de sources policières aujourd'hui que l'organisation, enfin le camion, les écrans, les machins, le podium et tout ça. Balèze, hein, quand même, un son incroyable. Le prix m'a été transmis. C'est 75 000 euros, ce machin. 75 000 euros, nous, les gilets jaunes, on n'est pas capables de les cracher. Donc, quelqu'un finance ça. Qui finance ça? Ce sont des partis. Quel type de parti? Ouais, t'es sûr que ce sont des partis? Suivez mon regard. Suivez. Oh, ah ben, c'est très bien. Je veux être libre, sinon je vais les mordre. Ces gens qui prônent le pacifisme, ce sont des gens qui n'espèrent pas nécessairement un changement fondamental comme nous, par exemple Gilets jaunes ou Black Bloc, etc. L'espérons. Eux, ça les arrange bien de garder le système tel qu'il est. Faut bien se dire que les personnes qui financent ce type d'organisation et l'organisation de ce type de manifestation sont pour une logique capitaliste. Donc eux, ils n'ont pas envie que le système tel qu'il existe soit trop modelé. Oui, eux, là. Oui, eux, là. Mais moi, je les connais pas, eux, là. Mais en effet, on voit qu'il y a de la force financière, économique. Clairement. Intéresse-toi un petit peu au site internet des différentes organisations, enfin des façades en tout cas, quand tu vas sur des United People machin et All for Free, enfin je sais plus comment ça s'appelle, moi j'ai été voir les sites, tu vois en fait que c'est une façade. Tout ce que tu as comme point de contact, c'est un email. Il n'y a pas un numéro d'entreprise, il n'y a pas un numéro d'ASBL, il n'y a pas une adresse, il n'y a pas un nom, il n'y a rien. Et donc c'est l'opacité pure et dure. Tout à fait le contraire de ce que les citoyens et les petites organisations citoyennes proposent. Donc, cette espèce d'écran de fumée, là, on pressent bien d'où ça vient. Et quand on regarde un petit peu dans le parterre de personnes qui se trouvent là à l'organisation et qui prennent le micro, etc., jette un œil, remonte un petit peu les filières, tu retrouves du Civitas, tu retrouves du Phoenix, tu retrouves du Skilt & Vrint, tu retrouves des organisations très, très à droite. Et la droite, ça fait 100, 150, 200 ans qu'elle est pro-capital. C'est elle qui détient les grosses fortunes. Et donc, regarde, ils sont là, quoi. Viens. Donc, eux, ils n'ont pas envie que le système corporatiste et capitaliste tombe. Ça ne les arrange pas du tout. Donc, voir des anarchistes, des black blocs, des gilets jaunes demander des démocraties directes pour le bien du peuple, oh là là, ça ne les arrange pas. Mais donc... Ce que tu dis alors, c'est que derrière cette grosse rupture ici, c'est des gros fachos alors? Oui. Je pensais. Même pas me dire que t'étais pas au courant. Mais on le dit, tu vois, on dit oui, mais moi je pensais qu'on parlait du public. Et puis quand je dis je vois le public, je trouve pas qu'on prône des idées racistes, quoi. Il y a des choses que je peux te dire à l'oreille, mais il y a des choses que je peux pas dire au micro, quoi. C'est dommage ça que tout le monde peut pas savoir. Non, c'est pas une question de ne pas vouloir que les gens sachent. Au contraire, je voudrais bien que tout le monde le sache. Mais voilà. Mais oui, j'ai bien entendu que c'était une organisation, mais je pensais aussi. Regarde, la masse, on est un mélange, hein. Quand tu discutes avec les gens sont contre ce qui se passe, tu vois ? Où tu vas ? Si tu veux arrêter, on arrête, hein. Non, pas de souci, mais... Mais voilà, il y a notre ami Barbe Jaune, là, qui m'appelle, et donc je voudrais juste le rappeler, puis okay. S'inquiète pas. Mais donc, voilà. Ça va ? Bien, oui. C'est chaud, hein ? C'est quelque chose d'hallucinant, franchement. C'est la première fois que, depuis 25 ans, que je vis ça... C'est-à-dire ? C'est-à-dire, ben, un tel truc, un truc d'une telle envergure, quoi, c'est... Mais quoi, de voir des flics qui gazent ? Oui, franchement, parce que les gens, ils n'ont rien fait, a priori, à première vue. Les gens, ils sont juste là pour manifester parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. Et je comprends, on leur enlève leurs droits, ils n'ont pas le droit à la parole. En fait, on n'est que des cobayes, en fait. Et donc, du coup, ben, les gens sont là pour se faire entendre. Et de ce fait, voilà le résultat, comme d'habitude. Encore une fois, le système qui l'emporte, ils viennent avec les gros moyens. Ils font fuir les gens, et ils mettent ils sèment la terreur en quelque sorte, quoi. Ils font du mal, ils jettent de l'eau, ils bombent tout le monde, que ce soit enfants, femmes, personnes âgées, ils en ont rien à foutre. Et moi, je comprends les gens qui se rebellent au final, que ça en arrive là, malheureusement, mais c'est ainsi. Hein. Merci à toi. Je t'en prie. Bon, ben on finit alors. Mais c'est comme tu veux, c'est comme tu veux. Oui, on finit, mais donc, en effet, ceux qui... La grosse pointure qui organise le tout, alors c'est vraiment c'est l'extrême droite, quoi. Il y avait plusieurs. C'est ce qu'on observe. Alors on n'a pas des noms, mais il y a une corrélation claire entre les gens qui sont sur le terrain, qui prennent les micros, qui organisent la marche, qui sont dans les rues de Bruxelles, occupés à dire tiens, toi tu fais ceci, toi tu vois cela, toi... et ces gens-là, quand tu creuses un peu sur le net, etc. Ce sont des gens qui ont été dans différentes organisations, ici et là. Donc voilà, tu tires tes conclusions à ce moment-là. Enfin, il ne faut pas être devin non plus pour... Quoi, ça veut dire que la grosse structure est extrême droite et les gens ne sont pas vraiment au courant puisque c'est opaque. Elles sont organisées derrière un écran de fumée, des organisations qui prennent de très jolis noms, disent-ils « Samen vor vrai, tous ensemble pour la liberté ». Qui pourrait dire non à ces mots-là ? Quel citoyen européen pourrait dire « Ah ben non, moi je ne veux pas être ensemble pour la liberté ». Si, bien sûr que si, mais ces mots-là sont édulcorés, remodelés, modifiés, comme ils savent le faire avec leur novlangue. Et par contre, quand tu grattes le couvercle, il faut se pincer le nez, quoi. Ok. Ouais, ben ça fait réfléchir, quoi. Mais quoi, ça voudrait dire que l'extrême droite, elle arrive à rassembler, ouais. Hein? Non. Oh merde. Non, ça va. Il courait après les gens. Hein. Ah non, ça va. Excuse-moi, je me souviens pas de ta question. Mais quoi que, ça veut dire que l'extrême droite est rassembleuse ? Non, ah oui. Où est la gauche, celle qu'on dit ? Ah ouais, là, il y a des flics dans leur camionnette, mais ça va. Moi, j'aime pas me retrouver. Coincé. Ah mais ouais, il y en a là aussi. J'ai pas du tout envie. Donc la droite n'est pas rassembleuse. Il faut bien faire attention à ça. Quand le peuple sort dans la rue, en fait, surtout sur des questions très importantes comme celle-ci, des pertes très très rapides de leur liberté individuelle et ce genre de choses, les gens sortent de façon spontanée, etc. Et quand ils entendent qu'il y a des manifestations, ils y vont. Sans nécessairement aller creuser qui est à la tête de ceci et cela. Ok, c'est comme ça que ça... Par contre, ce dont il faut se méfier, dans le sens où il ne faut simplement pas être dupe de ça, simplement en être conscient, c'est que ce genre d'organisation, quand elle voit une masse de gens, c'est dans ses techniques, quand elle voit des masses de gens, elle se précipite pour aller les récupérer. Donc ils courent à la police, et ils disent, voilà, moi, la semaine prochaine, la manifestation, là, du CST, machin, c'est moi qui l'organise. Et donc, ils signent le petit papier, et puis ils disent, ah, ben non, c'est nous le chef. Non, c'est pas vous le chef. Ici, ce sont des citoyens, 30, 40, 50 000 personnes dans les rues, ce sont de simples citoyens qui, en fait, s'en foutent de vos idées nauséabondes, bonnes, mauvaises, etc., mais on ne vous appartient pas. Nous ne sommes pas votre manif. Nous sommes notre manif, et vous avez simplement essayé de diligenter le bazar. Voilà, c'est tout. Et sur ce beau. Bon ben voilà. Ouh. Ah ouais, tous les cars sont là. Ils vont attendre que les gens se cassent, quoi. Et quoi ? Je dois retrouver Barbe Jaune. À Mérode, a-t-on dit, mais c'est un peu le bordel, là. Ça court dans tous les sens. Bon, ben merci, hein. Pompe, Merci à toi. Y a pas de quoi, dit. Merci. On a vu un peu plus clair, du coup. Good luck.